Russian. Sans passeport, sans visa. En Cayman, elle ouais, fume moins qu'on chicha. Tell them to chum. No rules, yeah. Fucking you under the moon. Kembe wamba moi kamou. Aye pas tabou entre nous. When you're lonely, no hesitate, no don't be scared. If you call me and come over, jump on a train, carry a plane, even a skateboard. Moi envie dire que si on tout seul, crier moi pour un bonde. Moi envie vin ou pas qu'il finge with my girl. Love, baby, alright. If you're broke, your back don't move. Oh, you feel. En douce, en bien raide ou bien coûte, en savant peut toucher tout. En dedans, on y a poum poum, si on y a long time already. En pas qu'il fait fond, pas qu'il fait pour magie. Ou dit, mais en besoin, en vrai, non pas en yout. En leggings, en loca, bas, mais en vie, tout. Des trous en bas d'eau, car on m'est électrique. En savent tout bad boy, j'ai qu'à finir hystérique. Moi, plus bad qui yo, ça va ni yen à foutre. À nan cabane, c'est qui c'est, on y est pas ni doute. When you're lonely, no hesitate, no don't be scared. If you call me and come over, jump on a train, carry a plane, even a skateboard. Moi, envie de dire que si on tout sait, crier moi pour un bonde. Moi, envie vine, ou pas qu'à y finir with my girl. J'ai quand même moins en bail, sans qu'à sentir. Yeah, baby, c'est ça. You're okay, well, alright. Never mean to sprain your foot. But are you gamble or lose? All I wanna be is your biggest rider. Me no one get burned, ashes get burned, so me must concern. You say you never know, say me fuck so nice. So it's a girl, yeah, you live and learn. I'm your teacher, you are my intern. You're breeding spring, get a child winter. Your friend them a ask, so you get so fat. Tell them say you pum pum a feed pa sperm. Sperm, sperm, sperm, sperm. Sperm, sperm, sperm, sperm. Sperm, sperm, sperm, sperm. Sperm. Non roof, yeah. Kembe wamba moi kamou. Koke ou de wok on kamou. Aye pas tabou entre nous. Love, baby, alright. If you broke your back, don't move. Oh, you feel. Ouais, mais voyou man girl. Bah moi, on y a un gros coup de cœur. En kaide si merde. Depuis qu'il tombe, a fait l'amour, my girl. Voisin peut frapper, my girl. Mais c'est ça qui a crié, I'm sure. When you're lonely, no hesitate, no don't be scared. If you call me and come over, jump on a train, carry a plane, even a skateboard. Moi envie de dire que si on tout sait, crier moi pour un bonde. Moi envie de vivre ou pas qu'à y finir, my girl. You're okay, well alright. Never mean fi sprain your foot. But are you gamble or lose? On y go, sans V, c'est où? Pas sans trou, c'est pas en trou. Baby. Non roof, yeah. Kembe wamba moi kamou.